C'est quand? Oui, c'est haute maison à Python. Oui. Mais je fais une petite crêpe au sarrasin pour Françoise parce qu'elle est allergique au gluten, donc je vais la faire. C'est tout le quartier. En fait, un jour, ils ont commencé à vouloir démolir ce parking. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de parking sur la côte centrale. Sauf que, du coup, on a dit, mais en fait, ce parking, bon, vous voulez le démolir, mais en fait, c'est pas qu'un parking, c'est aussi un jardin. Or, le premier truc, c'est qu'en fait, on a fait un grand point d'interrogation, un samedi ou un dimanche, en fleurs, comme ça. Voilà. On allait chercher, il en fallait pas mal, on avait cherché au moins 200 ou 300 fleurs. Et on a fait un grand point d'interrogation pour poser la question, est-ce que... Et on voyait depuis les immeubles, oui, depuis tous les immeubles, en fait, on voyait ce point d'interrogation quand on regardait la fenêtre. Ah, vous dites, mais c'est quoi ce... Et donc on a posé la question, est-ce qu'on ferait est-ce qu'on ferait un jardin partagé? Ça sert à quoi? Ça sert à raconter des histoires, hein, globalement. Hein. Sinon, si vous voulez un café, je vous sers un café. Hein. Mais nous, ça nous va de raconter des histoires, quoi. Trois des quatre parcelles du jardin d'Ali sont recouvertes de cette plante qu'on ne connaît pas. Du gandana, nous dit-il. À travers la culture de ce poireau oriental, Ali nous raconte l'histoire de son enracinement à la Villeneuve. 2 ans d'attente pour avoir un bout de terre, un espace à soi. Puis 6 mois encore avant d'en avoir un ensoleillé pour faire pousser ses semences qu'il est allé chercher jusqu'en Allemagne. La graine était fertile pendant 3 ans en Afghanistan. Mais qu'en est-il ici? Il ne le sait pas encore. Le jardin va faire son œuvre. Le goût du gandana, c'est le goût de l'Afghanistan, désormais lointain, mais qui ne cesse de repousser sur sa parcelle. Troisième étage. Ouverture des portes. Bienvenue. Merci. Chez moi. Merci. Poracine, c'est... Comment il s'appelle? Verveine. Verveine. Verveine. Okay. Ici, j'ai acheté Lyon.